Mais oui, bien sûr. Je le savais. Eureka. En 1822, après plus de 10 ans de travail de déchiffrement, Jean-François Champollion s'écrit « Je tiens l'affaire ». L'affaire, c'est la compréhension des hiéroglyphes égyptiens gravés sur cette pierre de Rosette, découverte deux décennies plus tôt. À partir de cet instant Eureka, c'est tout un voile qui se lève sur une civilisation et une porte qui s'ouvre à une nouvelle discipline, l'égyptologie. Pierre de Rosette, déchiffrer des lettres, c'est le programme polyglotte qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour parler de cette découverte de la pierre de Rosette et de son déchiffrement, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Bénédicte Savoie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de l'art à l'Université technique de Berlin et nous sommes en studio avec Claude Rilly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes égyptologue, directeur de recherche CNRS et professeur à l'école pratique des hautes études. Mais tout de suite, on y va. Imaginez, il y a 4500 ans, le soleil, la terre, le Nil sont là, aussi vieux qu'aujourd'hui. Sur presque tout le reste de la planète, c'est la barbarie ou la jungle. Mais sur les rives de ce fleuve, quelque chose a commencé pour l'homme depuis plusieurs siècles déjà. Une façon de se grouper, de s'organiser, de penser. Quelque chose qui s'appelle civilisation. Voilà, on plante un petit peu le décor et on prend la route de l'Égypte. Alors avant d'arriver à ce qui va constituer le fil rouge de notre émission, la pierre de Rosette, Bénédicte Savoie, est-ce que vous pourriez nous faire un petit rappel historique sur la toute fin de ce XVIIIe siècle et sur les raisons qui font que les armées françaises sont en Égypte en 1799 ? Oui, c'est un vaste sujet. L'Europe est en guerre. Elle est en guerre depuis la Révolution française. La France essaye d'exporter par les armes les idées républicaines. Elle s'engage dans plusieurs campagnes contre les régions rhénanes, contre l'Italie. Et puis, elle a un grand ennemi qui est l'Angleterre. Et les puissances européennes se s'allient contre la France et on entre dans une décennie de guerre. Un bon moment bien violent. Que l'historiographie française, d'ailleurs, a tendance parfois à minimiser. Mmh. Et dans ce grand moment violent, Napoléon Bonaparte, qui n'est pas encore Napoléon l'Empereur, mais qui est encore le général Bonaparte, choisit pour affronter l'Angleterre, qui est vraiment l'épine dans le pied ou dans l'œil, je ne sais plus, de la France à ce moment-là, décide d'affronter l'Angleterre, non pas sur les rives insulaires de l'Angleterre, mais d'aller attaquer ses intérêts économiques, notamment en Égypte. Et à ce moment-là, s'engage ce qu'on appelle en France la campagne d'Égypte qui est donc avant tout une campagne militaire, stratégique, mais dans le cadre de laquelle Napoléon Bonaparte va embarquer une centaine de savants et cette expédition va devenir une sorte d'icône de la réunion des arts et des savoirs, armes et des savoirs et des arts, va s'achever sur une défaite de la militaire de la France au profit de l'Angleterre. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu pourquoi ça nous semble un peu paradoxal, cet alliage entre armée et savants et art. Quel est le fond de ce projet-là ? Le fond de ce projet-là, c'est le début d'une idée. D'ailleurs, c'est le début d'une idée qui va parcourir tout le 19e siècle. L'idée selon laquelle, quand les armes peuvent quand par le pouvoir des armes, on peut conquérir des territoires étrangers, il faut aussi en profiter pour accroître la connaissance qu'on a de ces pays étrangers, donc une connaissance, disons, intellectuelle, immatérielle, en menant des enquêtes qui peuvent aller jusqu'à l'espionnage. Et on a ça dans le contexte européen des guerres napoléoniennes, beaucoup. Les armées françaises envoient des commissaires qui explorent les mines en Allemagne, en Italie, etc. Mais on a ça dans le contexte extra-européen, accompagné donc d'une appropriation intellectuelle des savoirs ou des méthodes des autres, mais aussi d'une appropriation matérielle, notamment de leur patrimoine, avec tout ce qu'on a appelé, dans le contexte européen, les conquêtes artistiques de la Révolution et de l'Empire, qu'on peut aussi appeler des spoliations artistiques, et qui ont joué un rôle central dans ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire la découverte d'abord, la découverte entre guillemets d'abord, puis l'appropriation matérielle et intellectuelle de cette pierre de Rosette qui va révolutionner notre connaissance des civilisations, des origines de l'humanité, disons, à ce moment-là. Et on va y venir dans un instant à cette pierre de Rosette. On a parlé du contexte historique. Claudry, j'aimerais maintenant qu'on fasse un petit peu de contexte géographique et qu'on zoome un petit peu sur cette Égypte-là et sur cette ville de Rachid, renommée Rosette, francisée Rosette. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu le lieu et où est-ce qu'on se trouve ? Oui, alors on se trouve en fait donc dans le delta du Nil, plutôt donc à l'ouest de ce delta, sur une des branches qui se jette dans la Méditerranée. Et à cet endroit, qui est forcément un endroit stratégique depuis très très longtemps, un des sultans mamelouks, Ketbey, avait fait construire un fort. Il l'avait fait construire à Rachid, donc on appelait ça en égyptien Bork Rachid, la tour de la fortification de Rachid. Et donc Bonaparte combat contre les Mamelouks. Et donc à ce moment-là, on est en 1799, on a peur que les Turcs, qui sont nommément les maîtres du pays, hein, envoient une expédition et donc on va refortifier toutes ces anciennes forteresses, hein. Et donc on envoie du personnel là pour rebâtir un petit peu, renforcer un petit peu ce fort. Qu'entre-temps on a rebâti Fort Julien à partir du nom d'un des officiers qui est mort au combat durant cette époque-là. Et donc en fait en faisant les travaux, le responsable qui s'appelle Bouchard, hein, Pierre, je sais plus comment, Bouchard, Kyrielle de prénom, donc découvre cette pierre. Hein. Et Bouchard n'est pas un militaire borné ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui a fait des études importantes, notamment tout ce qui est l'aérostation, qui est tout à fait nouvelle à ce moment-là dans la stratégie des armées. Et donc il se rend compte en fait de l'importance de cela. Il envoie un rapport où il décrit qu'effectivement on a trouvé une pierre qui est importante, qui est de grande taille, gravée. On peut peut-être la décrire, cette pierre. Tout le monde ne l'a pas forcément en tête. À quoi elle ressemble ? Oh bien, à l'origine évidemment c'était une stèle cintrée, donc de forme trapézoïdale et ronde tout à fait en haut. Mais là effectivement il nous en reste en fait que un peu plus de la moitié. Hein. La partie supérieure a disparu. Donc il n'y a plus les représentations des dieux et des rois comme on devait l'avoir. Hein. Et donc là, il reste en fait trois grandes bandes. La bande du haut comporte un texte en hiéroglyphe, mais il reste pratiquement plus que le tiers de l'inscription. La bande du milieu est la mieux conservée, elle est inscrite en démotique, qui est une simplification des hiéroglyphes, qui est l'écriture habituelle à cette époque. Les hiéroglyphes sont uniquement connus par les prêtres et ils sont là pour sanctifier en quelque sorte le décret de Memphis que porte l'inscription. Et puis tout en bas, et c'est évidemment ça qui est le plus intéressant à l'époque, se trouve une traduction en grec. Alors la traduction en grec est un petit peu éborgnée aussi, mais bon, elle est pratiquement complète et effectivement elle sera assez vite traduite et on voit bien que on a ici un texte qui se présente sous trois écritures différentes. Et ça c'est tout de suite c'est dit tout de suite. Alors on a un regret, c'est que c'est pratiquement peu de temps après que Napoléon s'en va. Mmh. Il laisse l'Égypte à Kléber, qui va devoir faire sa reddition. Hein. D'ailleurs, il sera assassiné avant, déjà. Donc, il part, et s'il avait emporté la pierre de Rosette dans son bateau, on l'aurait au Louvre. Voilà. Malheureusement, on reviendra bien évidemment après à tout l'enjeu diplomatique et stratégique qu'a représenté et qu'a incarné cette pierre de Rosette. Une petite question sur cette pierre-là. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Pourquoi elle a été retrouvée ici ? Est-ce que c'était son lieu de gravure ? Non, c'était vraiment... Il y a absolument, à cet endroit-là, aucun temple. Hein. Et Le décret se termine par ces mots disant voilà le décret sera inscrit en trois écritures hein, et il devra être installé donc dans tous les temples de première, deuxième et troisième catégorie. Or il y a aucun temple ni même de septième catégorie dans la région hein. Et donc en fait il faut aller à Saïs qui est quand même à 60 km sur la même branche pour avoir une petite idée de l'origine la plus probable de cette pierre. Donc il faut supposer qu'elle a été transportée en fait comme matériel de construction à l'époque du sultan Qutb. Bénédicte Savoie, Claudry l'évoquait à l'instant, tout à l'heure. Est-ce que immédiatement, quand on découvre la pierre de Rosette, on a l'idée, l'intuition qu'on tient quelque chose de particulièrement précieux ? Et il semble que ce soit le cas, en effet, puisqu'elle est trouvée, elle est découverte au mois de juillet et elle est emportée au Caire au mois d'août. Donc tout ça va très très vite. Il faut imaginer que, comme Claude Rilly l'a décrite, c'est une pierre de taille importante, mais c'est 700 kilos, c'est à peu près 1 mètre de haut, 30 centimètres de profondeur. C'est une pièce très imposante. D'ailleurs, quand on va aujourd'hui à Londres au British Museum, on est parfois étonné parce qu'on a, comme on la voit souvent en reproduction, on peut être étonné de sa taille. Elle a la taille d'un jeune enfant et le poids d'un cheval. Donc, c'est pas très facile à déplacer. Et si elle est déplacée si vite, donc entre juillet et août 1799, c'est bien qu'on pressent son importance. Le projet de déchiffrer les hiéroglyphes n'est pas un projet qui arrive avec Bonaparte et avec les années 1800. C'est un projet bien plus ancien depuis l'Antiquité, mais en tout cas de manière certaine en Europe, dans le cadre européen, depuis la Renaissance. Des savants, notamment à Rome, des pères jésuites, etc., ont tenté des choses, ont tenté de les déchiffrer et on n'y arrive pas. Donc, il y a l'idée que si on arrivait à déchiffrer ce qui est indiqué là, on pourrait avoir un accès à des informations sur non seulement des informations linguistiques en quelque sorte, mais aussi des informations plus générales, peut-être religieuses, mais en tout cas sur les origines de ce qu'on considère alors comme l'humanité. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est le truc à craquer. et ça se ressent très vite. Elle est apportée au Caire à l'Institut d'Égypte, qui est une sorte de petite académie française en Égypte où se réunissent ces savants. Elle est montrée, elle est présentée, elle est très vite copiée au sens où on fait une impression de sa surface et l'information selon laquelle ce monument, cette pièce monumentale a été trouvée, circule très vite, donc est imprimée. Il y a des nouvelles, des gazettes, la gazette de l'Institut d'Égypte imprime cette information qui est reprise ensuite, à partir du moment où elle arrive en Europe, dans tous les journaux européens. Donc, ça met quelques temps, l'information met quelques temps à arriver, mais on comprend très vite que la pierre elle-même est importante. Ce tombeau sera votre tombeau. Aucune issue, on est coincé. France Culture. En tout cas, on a de la lecture. Toujours un peu pareil, ces hiéroglyphes. Ah non. Regarde, Obélix, les couleurs sont superbes. Ben, tout ça, c'est très gai, mais si on trouve pas vite le moyen de sortir d'ici... Eureka. Je commence à avoir faim. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, tous ces hiéroglyphes-là ? Obélix, il y a un temps pour déchiffrer les hiéroglyphes et puis il y a un temps pour sortir d'une pyramide. Antoine Beauchamp. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Vous l'aurez reconnu, bien évidemment. Claude Rilly, Bénédicte Savoie l'évoquait juste avant cette petite virgule. Quel était le rapport des Européens à l'époque avec les cultures égyptiennes et qu'est-ce qu'on avait tenté de comprendre jusqu'à cette découverte de la pierre de Rosette ? Oui, donc la civilisation égyptienne sombre complètement durant la fin de l'Empire romain et notamment en raison de la christianisation, de l'édit de Théodose en 390 qui interdit les cultes païens. Hein. Et donc la dernière inscription hiéroglyphique date de 394 de notre ère à Philée, hein, et la dernière inscription démotique de 452. Donc, et elle est écrite, elle, même pas par un Égyptien, elle est écrite par un Soudanais, par un Nubien, donc les gens dont je m'occupe plus particulièrement. Oui. Et donc là, à partir de ce moment-là, tout tombe en sommeil, hein, et on oublie complètement ceci. Hein, d'autant plus que les Européens n'ont pas accès en raison de la présence musulmane, n'ont pas accès du tout à ces régions. Est-ce qu'il y avait déjà eu des tentatives de traduction de ces hiéroglyphes avant l'arrivée de Champollion, dont on parlera bien évidemment oui, plus tard donc, dans l'émission Comme Bénédicte Savoy l'a indiqué, dès la Renaissance, on s'est quand même intéressé à cela. D'autant plus qu'on a retrouvé, alors la Renaissance, c'est l'époque donc où on va chasser un peu partout des manuscrits anciens, et dans une île grecque, un érudit italien trouve dans une bibliothèque de monastère un petit traité qui s'appelle Hieroglyphica, écrit par un certain Horapollon, qui est un des tout dernier prêtre païen, hein, et qu'il a écrit en grec, donc. Et donc, ça va très très vite circuler et tout cela. Malheureusement, Horapollon vit au 5e siècle de notre ère, c'est-à-dire après la disparition des hiéroglyphes. Il semble pas que lui-même avait une grande capacité en cette matière. Et en gros, il considère les hiéroglyphes uniquement avec leur fonction symbolique. Qui existent, hein, évidemment, hein, bien entendu, hein, puisque beaucoup d'hiéroglyphes, la plupart des hiéroglyphes, en tout cas, peuvent avoir une valeur logographique, c'est-à-dire idéographique, si vous voulez. Hein. Et donc, effectivement, de là au symbolisme, il y a un pas relativement étroit. Mm-hmm. Et malheureusement, en fait, ça va orienter les recherches vers l'idée d'une écriture qui est plus une sorte de philosophie écrite et on va complètement abandonner l'idée que ça puisse par exemple comporter une partie phonétique. Donc il faut attendre les années 1620 etc. pour qu'un jésuite, le père Athanase Kircher, donc s'intéresse vraiment à cela et il va avoir une intuition géniale qui va être finalement à la base du travail de Champollion, c'est que la langue de la chrétienté d'Égypte, qui n'est plus parlée mais qui est utilisée dans la liturgie des coptes, ben c'est justement copte, la langue copte, ouais. Et ben cette langue copte, ce serait de l'égyptien. Ce serait le dernier stade, le stade ultime de l'égyptien. Donc, à côté de cela, il s'attelle un petit peu à la recherche sur la traduction, sur la compréhension des signes eux-mêmes, mais il est toujours donc dans cette optique symbolique. Mmh. Et donc, du coup, on va être resté très très longtemps coincé là-dessus. Alors, avec quelques savants vont avoir des lumières. Mais très souvent, il faut trier le bon grain de livret, mmh. Et c'est ce que Champollion a réussi à faire, mais pas d'autres. Hein. D'ailleurs, par exemple, vous avez un Leibniz, le fameux mathématicien et philosophe Leibniz, prétend que les textes comprennent des narrations de batailles et de faits historiques. Et c'est effectivement ça. Mmh. Mais évidemment, on est très très loin de la symbolique et de la philosophie, de l'interprétation du monde, qui selon Athanase Kircher était la base des textes. Donc voilà à peu près sur quel contexte on se présente lorsque Champollion va commencer son travail. On va y arriver bien évidemment à Champollion, Bénédicte Savoy. Champollion, c'est pas le seul à s'atteler à la traduction de cette pierre de Rosette. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment directement les savants européens s'empare de cet objet merveilleux. Entre les années 1620 qu'évoquait Claude Rillier à l'instant, donc le père Athanasius Kircher, père jésuite à Rome, et les années 1800, il s'est passé des choses aussi, mais pour les hiéroglyphes, deux obstacles technologiques, on pourrait dire, empêchent d'avancer. C'est d'abord le fait qu'il est difficile d'imprimer, ou impossible, d'imprimer les hiéroglyphes, que quand elles sont gravés, quand ces caractères sont gravés, ils sont très mal gravés. Et tout ça pour dire qu'au XVIIIe siècle, donc juste avant la Révolution française, juste dans les décennies qui précèdent la découverte de la pierre de Rosette, on a une égyptomanie en Europe, mais assez fantaisiste et qui n'est pas précise et qui ne reproduit pas des textes. Il y a de nombreuses inscriptions hiéroglyphiques à Rome, notamment depuis longtemps, mais voilà, ça circule mal, on n'y arrive pas. Mais dans les années qui précèdent, qui suivent immédiatement la Révolution française, dans les années 1790 et dans les années, donc au moment où la pierre de Rosette est trouvée, il y a une grande effervescence en Europe sur le déchiffrement d'autres langues, notamment l'écriture cunéiforme et aussi le démotique que Claude Rilly évoquait tout à l'heure, avec une série de savants, notamment danois, suédois, qui s'appellent George Zoega ou Åkerblad, qui vivent en partie à Rome ou qui travaillent en partie à Rome, qui sont sur ces questions-là et qui sont assez forts sur ces questions-là. Mmh. Donc, quand la pierre de Rosette est découverte et dans les années qui suivent, dans les mois qui suivent, la diffusion de l'information de cette découverte. Tous ces jeunes-là, et souvent ce sont c'est cette jeune génération-là de savants qui ont entre 20 et 30 ans. Il faut rappeler que Champollion lui-même, au moment de la découverte de la pierre de Rosette, je crois qu'il a 8 ou 9 ans, c'est un enfant. En tout cas, tous ces jeunes intellectuels, savants, linguistes se mettent sur la question. Et au moment donc où les copies de la pierre arrivent en Europe, ceux qui se mobilisent particulièrement sont aussi les Allemands à Göttingen, notamment à l'Académie de Göttingen, avec un savant helléniste à l'époque qui s'appelle Heine, qui se met, lui comme d'autres, à tenter de traduire la partie grecque que Claude Rillier évoquait tout à l'heure, la partie grecque qui est donc la partie inférieure de la pierre, qui est un peu rognée sur le côté, mais bon, qu'on peut plus ou moins lire, et ils se mettent en équipe, en quelque sorte, à travailler là-dessus, à compléter les rognures qui manquent, et puis à proposer des traductions. Et là, on est dans les années 1802-1803. À ce moment-là, on a sauté cette étape, on ne l'a pas évoqué, mais à ce moment-là, la pierre est passée sous le nez des Français, ouais. Puisqu'elle est au British Museum. Depuis la fin de l'année 1802, elle est partie au British Museum. Et donc, à Paris, les savants ont les copies qu'ils avaient effectuées. Et puis, Londres se met à diffuser de son côté, dans l'Europe entière et même aux États-Unis, d'autres formes de copies et même des plâtres pour mobiliser tout l'intellect, tous les savants européens et américains susceptibles de pouvoir apporter leur pierre à l'ouvrage. On peut faire peut-être un petit aparté sur cette question-là, parce que la France voulait jalousement garder la pierre de Rosette et son contenu, tandis que l'Angleterre adopte une démarche totalement différente en diffusant au maximum le contenu de cette pierre de Rosette. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce paradoxe-là et ces différences d'approche ? Oui, pour moi, c'est vraiment l'un des sujets les plus intéressants, les plus excitants, de comprendre ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au moment de la découverte de la pierre, quand les Français pensent qu'ils vont l'avoir pour eux, donc pour le Louvre ou pour la Bibliothèque nationale, Napoléon Bonaparte annonce que dès que la pierre sera arrivée à Paris, elle sera diffusée dans le monde entier pour que tout le monde puisse contribuer, etc. Mais à partir du moment où, à cause de la défaite militaire, la France perd l'espoir d'avoir la propriété matérielle de cette pierre, elle se met à garder jalousement la propriété intellectuelle. Donc les belles promesses de diffusion, de reproduction en restent à l'état de promesse, et on a simplement quelques copies effectuées donc sur place au moment où la pierre était entre les mains des Français, quelques copies qui sont à l'Institut français et auxquelles seule une poignée de savants parisiens, enfin présents à Paris à ce moment-là, ont accès. Donc ça, c'est la technique française, c'est-à-dire on n'a plus la propriété intellectuelle, on n'a plus la propriété matérielle de la chose, mais on va essayer de s'en approprier le sens et d'être les maîtres intellectuels de cet objet, ce qui serait une manière d'humilier les Anglais qui auraient la propriété matérielle mais qui n'arriveraient rien à en déchiffrer. Et les Anglais, eux, de leur côté, prennent le contre-pied de cette attitude-là en faisant beaucoup de publicité au fait qu'ils possèdent matériellement la pièce, d'une part, et que d'autre part, ils invitent le monde entier à la déchiffrer. Et on voit bien là, en fait, le conflit entre une logique transnationale, internationale, qui est à l'origine de l'égyptologie comme discipline. L'égyptologie n'existerait pas s'il n'y avait pas eu toutes ces collaborations ou coopération et émulation transnationale, mais tout ça se fait dans un cadre de rivalité nationale extrêmement fort. Claude Rilly, on l'évoquait tout à l'heure, le texte qui est présent, il est présent dans trois langues, enfin il est présent écrit en hiéroglyphe, en démotique et en grec, et on arrive finalement assez rapidement et facilement à le traduire. Alors que dit ce texte sur la pierre de Rosette ? Le contenu du texte. Le contenu du texte. On va pas réciter tout ce qu'il y a d'écrit dessus, mais bon, c'est pas un texte d'un intérêt extraordinaire à lire. Hein. Ouais. En fait, il s'agit essentiellement de notations, disons, administratives, bon, mais qui peuvent être intéressantes à replacer dans un contexte historique qui demanderait peut-être un petit peu trop de temps. Je ne sais pas ce que je peux vous raconter. Rapidement, peut-être très rapidement. Très oui. rapidement. Donc, le texte de Pierre de Rosette est écrit en 196 avant Jésus-Christ. C'est les débuts, en fait, c'est le début réel du règne de Ptolémée V, donc qui est un des rois grecs macédoniens exactement qui ont succédé à Alexandre le Grand. Et on a une époque assez difficile hein, pour le royaume d'Égypte. Il y a eu une guerre contre le roi de Syrie. Du coup, on a perdu plein de territoires, le Liban par exemple, etc., qui y appartenait d'une part. Et d'autre part, il y a une révolte en haute Égypte où des pharaons indigènes se proclament. Et donc, le jeune roi, hein, il a 12 ans au moment où et ça fait déjà 6 ans qu'il règne. C'est ça. Voilà. Il a commencé à régner à 5 ans. Je crois. Oui, enfin, régner, ce sont ses ministres, en quelque sorte. Et ses ministres, c'est ceux qui avaient assassiné sa mère, d'ailleurs. Mais bon, dans cette dynastie, c'est compliqué, extrêmement semblant. Oui. Là, on commence à voir un petit peu le bout du tunnel. Il y a une première victoire contre les insurgés de Haute-Égypte. Et d'autre part, il y a un règlement qui va pas à l'avantage territorial de l'Égypte, mais il y a eu un règlement avec le roi de Syrie, Antiochos III, qui avait donc attaqué l'Égypte. Et d'ailleurs, l'année suivante, Ptolémée va épouser la fille du roi Antiochos III, qui s'appelle Cléopâtre. Ce sera la première Cléopâtre, Cléopâtre première. Et c'est pour ça que le nom de Cléopâtre apparaît pas dans la pierre de Rosette, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. Non, il apparaît sur un obélisque qui avait été ramené de Philée. Hein. Donc déjà, Cléopâtre vient pas de la pierre de Rosette. Le texte lui-même donne une sorte de compte-rendu d'un synode, c'est-à-dire d'une réunion des prêtres égyptiens, évidemment provoqués par les ministres de Ptolémée, pour le reconnaître vraiment pleinement comme roi, et en contrepartie il accorde un grand nombre de donations et d'exemptions de taxes au temple. Voilà. Donc c'est finalement un texte très administratif et pas forcément d'un intérêt culturel. Il institue aussi donc la royauté effective de Ptolémée V Épiphane et également précise les modalités de son des célébrations de son anniversaire chaque année. Voilà. Donc la traduction de cette pierre de Rosette, elle est faite relativement rapidement. Je crois qu'à partir de 1803, l'affaire est entendue et on en arrive maintenant à l'autre affaire, c'est celle du déchiffrement et à ce personnage clé quand on parle de la pierre de Rosette. On arrive à 16h27. Et on n'a toujours pas parlé de lui, de Jean-François Champollion, Bénédicte Savoie. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots, nous faire un petit point biographie sur Jean-François Champollion ? Qui était-il ? Et voilà, qui était-il ? Bon, Jean-François Champollion en France, c'est quand même un héros, on peut dire. Et j'aimerais, puisque mon point de vue est celui d'une Allemande, je vous parle de Berlin, j'aimerais peut-être rappeler que hors de France, ce n'est pas un héros. On connaît peu Champollion, on l'associe peu au déchiffrement des hiéroglyphes, en tout cas dans le grand public. Et ça m'a toujours frappé beaucoup, puisque du point de vue français, on a vraiment l'impression qu'il y a une équation totale entre l'Égypte et Champollion, ou l'égyptologie ou les hiéroglyphes et Champollion. Et voilà. Et dans d'autres contextes nationaux, les récits sont différents, et c'est une preuve supplémentaire de la part nationale et d'affirmation nationale de la naissance de ces disciplines, de cette discipline, et aussi des biographies attachées à ces héros, entre guillemets. Alors, Champollion, c'est d'abord deux Champollions, deux frères, un grand frère et un petit frère. C'est le grand qui commence à s'intéresser aux hiéroglyphes, et Jean-François Champollion, le cadet, va être entraîné dans l'étude des langues anciennes, plus généralement, pas seulement des hiéroglyphes, par son frère aîné. Il est né, si je me souviens bien, en 1790, Jean-François, le jeune, donc le nôtre, Champollion. Il fréquente le lycée de Grenoble, son frère le fait venir à Paris. Très vite, très tôt, il sent lui-même qu'il est précoce, et son entourage sent qu'il est précoce. Il va suivre des cours très compliqués au Collège de France dans différentes langues anciennes, et va finir assez vite, assez vite. C'est assez tard pour nous, puisque vous le disiez, en 1803, on a déjà la traduction de la partie grecque de la pierre de Rosette. Et lui, il arrive autour de 1808. Donc pour lui, c'est assez vite, puisqu'il a 18 ans, 17-18 ans. Mais c'est tard, si on veut, à partir du moment de la découverte. En tout cas, il va commencer à s'y intéresser avec insistance. Et avec une insistance d'autant plus importante qu'il sent qu'autour de lui, d'autres savants sont sur le point de craquer le code. Et on a des lettres entre Jean-François Champollion et son frère qui montrent que son frère lui conseille de pas aller, de pas se déconcentrer, de pas aller chercher, de pas travailler sur d'autres langues, mais bien de se concentrer là-dessus, et lui-même voilà, est pressé. En 1808, on est sous l'Empire, donc là encore, une période qui n'est pas une période calme, notamment pour de jeunes adultes à ce moment-là, avec les guerres anti-napoléoniennes de 1814-1815, la Restauration, des choses politiques qui vous obligent à prendre parti dans un camp ou dans l'autre. Donc voilà, la vie d'un savant de cette époque-là, lorsqu'il est jeune et qu'il a pu être royaliste ou qu'il l'est encore comme Champollion, n'est pas un long fleuve tranquille. Mais il se concentre, continue de se concentrer sur cette question des hiéroglyphes et finira en 1822 par publier une lettre ouverte sur le fait qu'il a réussi à en comprendre le fonctionnement. Peut-être qu'il faut dire, mais Claude saura le dire mieux que moi, qu'il ne s'est pas appuyé seulement sur la pierre de Rosette, loin de là, d'une part. D'autre part, qu'un autre savant britannique, Young, Thomas Young, a travaillé sur ces questions avant lui, a préparé le terrain. Mais l'un et l'autre, Young en 29 et Champollion, le nôtre Jean-François, en 1832, meurt. De manière précoce, prématurée, et vont laisser le terrain à d'autres savants ensuite. La mort de Champollion étant liée probablement à l'épidémie de choléra. N'enterrez pas trop vite Champollion, on a encore des choses à en dire. Alors, Claudry, Champollion, c'est un vrai petit génie. Bénédicte Savoie évoquait sa précocité, sa capacité à parler de très nombreuses langues. Il travaille sur la pierre de Rosette, mais il ne fait pas que ça. Et il établit des choses, par exemple, sur l'écriture égyptienne, avant même de traduire la pierre. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ses travaux? Oui. Alors, peut-être il faut aller ajouter à ce qu'a dit Madame Savoie qu'il avait été nommé à 18 ans professeur à la toute nouvelle université de Grenoble. On ne va pas le rester très longtemps parce que les deux frères étant bonapartistes, évidemment, ça avec la restauration, il a été chassé de son poste. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il est remonté à Paris, puisqu'il y avait, étudié, donc, à 18 ans, un nombre de langues incalculables. Et il était donc l'élève de Sylvestre de Sacy, qui est un des tout premiers professeurs de l'école des langues orientales, et qui enseignait, donc, l'arabe, le persan, mais il s'est aussi intéressé au syriaque. Sanskrit aussi, je crois. Sanskrit, je suis pas très... Oui, il a dû probablement y toucher, parce que tout le monde y touchait à ce moment-là, hein, ça c'est certain. Et puis de toute façon, entre le sanskrit et le persan sont quand même pas si éloignés l'un de l'autre. Hein. Mais sa grande passion, c'est le copte. Parce que très très vite, il s'aperçoit que c'est le copte qui lui donnera la clé de l'égyptien. Et il a raison. Il a raison. Le déchiffrement de l'égyptien, contrairement à d'autres déchiffrements, et je sais de ce dont je parle, a un grand avantage, et qui partage avec le déchiffrement du mycénien, hein, c'est-à-dire qu'on connaît la langue, on connaît un état plus tardif de la langue. Et donc, effectivement, le copte, c'est le dernier stade de l'égyptien ancien, et Champollion a une intuition absolument géniale en se disant que c'est le copte qui lui permettra de comprendre l'égyptien, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Quelles sont les premières tentatives qu'il effectue? Je crois qu'il y a quand même pas mal de tâtonnements, et il n'y arrive pas du premier coup. Oui, déchiffrer cette pierre de Rosette. Effectivement, bon, depuis un certain temps, et Young notamment y a beaucoup contribué, on se rend compte que il faut travailler sur les noms propres. Ça, c'est une constante dans les déchiffrements de toutes les écritures et les langues, c'est en général par l'intermédiaire des noms propres qu'on peut mettre le pied à l'étrier. Hein. Et donc, effectivement, dans la pierre de Rosette, on a un certain nombre de noms qui figurent en grec, et on s'est aperçu que, bon, c'était très probablement les mêmes noms qui figuraient en hiéroglyphe, entourés de ce qu'on appelle un cartouche. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire donc une sorte d'ovale, hein, et qui entoure le nom des rois et des reines. Hein. Et c'est donc là-dessus que Yang avait commencé à travailler, et que lui-même va travailler. Mais donc ça va donner un certain nombre d'équivalences, mais le problème c'est qu'en fait c'est pas de l'égyptien classique en fait, ce sont des noms étrangers qui ont été transcrits en égyptien. Et donc les Égyptiens avaient une écriture extraordinairement complexe qui mélange tout un tas de principes, et pour transcrire les noms étrangers, ils n'avaient pas tellement d'autres possibilités que de transcrire les consonnes en gros, et parfois vaguement les voyelles, hein, mais c'était quand même assez approximatif. Donc, pour donner une petite idée, le nom de Ptolémée, qui est en grec Ptolémaios, hein, s'écrit en hiéroglyphe Ptolmis. Voilà. Et puis il y a d'autres signes à l'intérieur des cartouches qui sont eux des titres très souvent, etc. Et là, on savait pas très bien quoi en faire. Hein. Donc la première chose, c'est de travailler sur les équivalences de façon à avoir une partie de ce qu'on appelle l'alphabet hiéroglyphique. Hein. C'est-à-dire à l'intérieur de cette masse incroyable, il y a près de 3000 hiéroglyphes à l'époque ptolémaïque, hein. Ça n'a pas arrêté de se multiplier. Et à l'intérieur, on a à peu près une trentaine de signes qui sont extrêmement fréquents et qui peuvent être comparés à un alphabet. Et c'est là-dessus que Yang, et ensuite lui par la suite, va se concentrer. Et donc on va être capable de trouver l'équivalence d'un certain nombre de lettres. On va y venir justement à cette méthode de déchiffrement employée et imposée par Champollion, mais tout ça se passe dans un contexte aussi très concurrentiel où les savants se tirent un petit peu des coups dans les pattes. Et je crois que vous évoquez tout à l'heure la figure de Sylvestre de Sacy, je crois qu'il n'est pas tendre avec Champollion au début, il parle même de charlatanisme, il met en garde Yang en lui disant n'écoute pas tout ce que dit le jeune Champollion, c'est ça. Oui, c'est assez étonnant. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la France retenant de manière nationale ses informations, mais en fait, Sylvestre de Sacy envoie beaucoup d'informations à Yang, hein, mm-hmm. Mais aussi parce que finalement, il a une certaine jalousie envers Champollion et qu'il serait pas mécontent que ce soit quelqu'un d'autre que lui qui parviennent à la solution. À côté, on a donc Åkerblad, dont on a parlé tout à l'heure, qui a été le premier à travailler sur la partie démotique, et qu'on a tiré un alphabet, hein, là aussi, il s'agit donc toujours de la composante alphabétique, qui est pas entièrement bon, mais qui comporte pas mal d'éléments qui sont exacts, et qui finalement va jeter le gant. Et Champollion suit vraiment l'affaire de très près pour savoir si Åkerblad continue ou non son travail. Et puis, il y a évidemment la rivalité avec Yang. Et Champollion va finalement réussir à faire taire ses détracteurs. Restez avec nous, on va poursuivre dans un instant cette histoire du déchiffrement de la pierre de Rosette. Et on va en arriver à l'instant Eureka de Champollion. We'll be right back. Hiéroglyphes de Pépite à 16h39 dans Eureka sur France Culture. Nous vous racontons aujourd'hui l'histoire de la découverte et du déchiffrement de la pierre de Rosette en compagnie de Bénédicte Savoie, professeur d'histoire de l'art à l'Université Technique de Berlin, et de Claude Rilly, égyptologue, directeur de recherche au CNRS et professeur à l'École pratique des hautes études. Alors on le disait avant la pause que Champollion a travaillé pendant plus de 10 ans au déchiffrement de la pierre de Rosette, une dizaine d'années qui l'a conduit à ça. Mon frère. En voilà une entrée. Je tiens à l'affaire. Quelle affaire? Mais tu sais bien qu'il n'en est qu'une à mes yeux, le déchiffrement des hiéroglyphes. Ça y est, j'ai trouvé. Que dis-tu? Regarde, c'est clair. Clair comme de l'eau de roche. Je n'oublierai jamais ce jour-là, ni cette heure-là. Mon frère, Jean-François Champollion, se tenait haletant devant moi. Ses vêtements étaient en désordre. Visiblement, il n'avait pas pris le temps de se peigner. Et il avait tant couru qu'il avait peine à retrouver son souffle. Il était là, maigre, pâle, mais ses yeux étincelaient. Il brandissait ses papiers sous mon nez et parlait avec cette extraordinaire éloquence qui était la sienne quand il évoquait l'Égypte, sa passion. Tu comprends? La lumière m'est venue de ces reproductions des bas-reliefs d'Abou Simbel, envoyées par l'architecte Huyot, celui qui est en mission en Égypte. Ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le cartouche royal que je t'ai montré. Tout est devenu évident. La preuve se révélait pour moi que l'écriture égyptienne, en plus des signes qui indiquent des sons simples, comportait des signes d'idées, dont l'image valait pour le son qu'elle évoquait. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu comprends? Oui, Jean-François, oui. Je comprends. Claude Rilly, voilà une fiction radiophonique qui était diffusée sur France Inter à la fin des années 1980. Alors c'est quoi le coup de génie de Champollion pour déchiffrer ces hiéroglyphes? Bon, on va peut-être casser une... Cassons tout. Une idée un peu reçue. Hein. En fait, c'est l'objet de l'émission. C'est un peu dommage parce que notre émission est sur la pierre de Rosette, mais en fait la pierre de Rosette n'a pas servi à grand chose dans cette affaire. Mais écoutez, c'est parfait. Voilà. C'est bon, mais symboliquement, elle est vraiment très très importante, évidemment. Hein. Mais voilà, ce que Champollion, là, nous sommes donc l'après-midi ou le matin, je me souviens plus, du 13 septembre, 1822, hein, 1822, et en fait, il vient effectivement, comme on vient de l'entendre, il vient de recevoir une liasse de reproduction de pas seulement du temple d'Abou Simbel, parce qu'il y a le nom de Ramsès et il y a le nom de Toutmosis. Et Toutmosis, de toute façon, vivait bien avant la construction du temple d'Abou Simbel. Hein. Donc, en fait, il s'agit probablement d'une compilation de différents textes un petit peu partout en Égypte. Hein. Et effectivement, c'est un certain Huyot qui était en Égypte à ce moment-là qui l'a amené. Et donc, dans le cartouche de Ramsès, hein, bon, ça peut être un peu compliqué le cartouche de Ramsès, mais là, ici, c'est simple, c'est la forme la plus simple, c'est-à-dire vous avez tout à fait en haut un soleil, en dessous, une sorte, comment on pourrait décrire ça, une sorte de fourchette à l'envers, si vous voulez, hein, et puis à côté, une sorte de crosse. Oui. Voilà. Et donc, la pierre de Rosette n'a apporté qu'une seule chose, c'est le sens de la crosse. La crosse, on sait que c'est un S. Et ça signifie? Ça veut dire S, pardon. Ça veut dire, c'est simplement un signe phonétique. Oui. Hein, voilà. En revanche, tout d'un coup, il se dit, mais le soleil en haut, en copte, ça se dit Ra. On a donc le nom d'un pharaon qui commence par Ra et qui se termine par S. Donc la fourchette, en fait, ce sont trois peaux de renard liés ensemble. Mmh. Enfin, ça, vous le savoir à ce moment-là, je ne sais pas. Pour la fourchette au milieu, ça doit être le reste de son nom, c'est-à-dire M, voire S, parce que M, on sait que c'est la chouette, hein, depuis également la pierre de Rosette. Donc ça doit être Mess ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Et ensuite, il a le cartouche de Toutmosis, qu'on appelait autrefois Toutmess. Hein. Et c'est la même chose, sauf que le soleil est remplacé par un ibis. Or, l'ibis, il le sait, et ça, c'est une des choses qu'on oublie un petit peu trop dans le déchiffrement, dans ce que représente comme exploit intellectuel de déchiffrement donc des hiéroglyphes par Champollion, c'est qu'il avait une excellente connaissance, il connaissait à peu près tout ce qui pouvait à cette époque-là être connu sur la civilisation égyptienne. Donc quand il voit l'ibis, pour lui, tout de suite, il fait le lien avec le dieu Thoth, hein, le dieu des savants de l'écriture, et qui est représenté soit par un babouin, soit par un ibis. Et donc, en faisant une sorte d'équation entre les deux cartouches, eh bien, il arrive à ce qu'on ait le nom Thoth, Mes et le S. Et on a vraiment ce Mes. Et là, c'est là que le copte intervient, parce qu'en copte, donc les deux consonnes MS, hein, représentent le mot Mosé, qui veut dire donc engendré par, mis au monde par. Hein. Et donc, non seulement il arrive à lire Ramsès et Toutmès ou Toutmosis, si vous voulez, mais en plus, il arrive à comprendre que ça signifie Ra l'a engendré, le soleil l'a engendré, et Thoth l'a engendré. Mmh. Donc vous voyez que la pierre de Rosette, ici, elle sert quand même pour le S. Hein. Oui. Merci à la pierre de Rosette. Mais finalement, il s'aperçoit également que le système hiéroglyphique est bien plus complexe, mais bon, il en avait déjà une idée hein, à ce moment-là, c'est-à-dire que ça inclut à la fois des signes phonétiques simples, des signes phonétiques complexes, hein, le mes, par exemple, hein. Et puis des signes qu'on disait à ce moment-là idéographiques, on préfère utiliser le terme logographique aujourd'hui, qui représente un mot, et qui sont le soleil et l'ibis. Donc c'est là tout le coup de génie de Champollion, c'est qu'il arrive à cerner cette tripartition des hiéroglyphes et ces trois aspects-là de cette langue écrite. Mais donc il faut bien voir ici que trois choses se mélangent, hein. Donc l'apport très maigre de la pierre de Rosette, l'apport très important de la connaissance de l'histoire et de la civilisation égyptienne, hein, et surtout la connaissance du copte. Mmh. Bénédicte Savoie, quelle réaction de la communauté savante européenne intervient après ce coup d'éclat de Champollion ? Peut-être avant de vous répondre, j'aimerais réagir sur cette information qui me paraît vraiment très intéressante que vient d'évoquer Claude Rilly sur le fait donc que ce n'est pas trop la pierre de Rosette ou pas tellement la pierre de Rosette qui va servir à son déchiffrement, mais plutôt l'envoi de documents, de cartouches, de reproductions. Et j'aime l'idée que cet architecte, donc Jean-Nicolas Guyot, qui était en mission en Égypte, et il fait partie de la première génération de voyageurs scientifiques, vraiment scientifiques au sens, disons, contemporain du terme, en Égypte, il envoie simplement, en fait, des reproductions. Il n'emporte pas des cartouches à Paris pour les déchiffrer. On n'a pas besoin de la propriété matérielle des choses pour les déchiffrer. Et donc, la pierre de Rosette aurait pu rester, en quelque sorte, sur place si quelqu'un avait envoyé, à ce moment-là, enfin, une description très, très précise. Mmh. Et j'aime l'idée, donc, qu'il y ait une séparation entre la propriété intellectuelle et la propriété matérielle des choses. Et pour moi, c'est assez nouveau. Donc, la pierre de Rosette a été déchiffrée sans la pierre de Rosette, en quelque sorte. C'est vraiment intéressant. Alors, en 1822, la publication de la lettre de Jean-François Champollion à Dacier, c'est comme ça que cette lettre est intitulée, avec ce moment Eureka, évidemment, fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le milieu intellectuel européen et jusqu'aux États-Unis, dans les académies à Philadelphie, tout, la presse savante se fait l'écho de cette découverte et très vite l'égyptologie, qui était une science à cheval entre plusieurs autres disciplines, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, va vraiment se profiler comme une discipline à part entière, va devenir une branche du savoir à part entière, et notamment dans les pays qui ont des universités importantes, ce qui n'est pas encore le cas en France, dont le fonctionnement universitaire ne passe pas par les universités, mais plutôt notamment par le Collège de France à ce moment-là, dans le premier tiers du 19e siècle, mais en Allemagne notamment, à Berlin, l'égyptologie va prendre ses marques à partir de Champollion, à partir de cette lettre, dans la lignée de Champollion, avec notamment Richard Leptius, qui va prendre la suite de Champollion, venir à Paris, étudier les papiers de Champollion après la mort de ce dernier. Et on voit vraiment ici, sous nos yeux, en quelque sorte, se mettre en place une discipline européenne, européenne mais nationale. Claude Rilly, une réaction à ce que vient de dire Bénédicte Savoie. Oui, je voulais en plus ajouter le fait que donc la lettre à Monsieur Dacier, qui était le secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions des Belles Lettres à ce moment-là, correspond, si vous voulez, à une mise au propre donc d'une conférence qu'a donnée Champollion à l'Académie des inscriptions et belles lettres. Et y participer à cette réunion, un des frères Humboldt. Alors je ne sais plus jamais lequel était Alexander en France. Alexander von Humboldt. Alors c'est pas Alexander. Autre. Alexander, je crois que c'est le linguiste. Je pense que Madame Savoie pourra me reprendre si je me trompe. Et le frère en question a donc immédiatement fait parvenir ses impressions à Alexander von Humboldt, qui devait être, je pense, à Berlin, et qui a considéré effectivement que cette énième tentative de déchiffrement était sûrement la bonne. Claude Rilly, quelles conséquences immédiates ça a, ce déchiffrement des hiéroglyphes, sur la connaissance qu'on a de la culture antique égyptienne? Alors, immédiatement, non. Il faut évidemment un certain temps. Je veux dire, entre le moment où Champollion peut lire les cartouches de Ramsès et de Thoutmôsis, ce qui est pour lui quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il faut bien dire, bon, il a quelques préjugés, quelques a priori, qui sont les premiers à les avoir. Et à vrai dire, nous, égyptologues, on les a encore un petit peu de temps en temps. Hein. C'est-à-dire que ces périodes-là, donc la période de la domination macédonienne et tout ça, c'est pas les grandes périodes de l'Égypte. Mmh. Hein. Et lui-même, il considère que bon, c'est des périodes de décadence. Hein. Bon, on dirait pas ça aujourd'hui, personne ne le dirait, hein, c'est sûr. Que ce sont des périodes de décadence et qu'en revanche, pouvoir avoir accès aux cartouches des rois vraiment indigènes, des grands rois que sont Thoutmôsis et Ramsès II, ça c'est vraiment le nec plus ultra. Et donc après il lui faut effectivement mettre en place à l'aide du copte, et c'est le copte qui va servir, c'est pas la pierre de Rosette, c'est le copte qui va servir bien entendu à traduire à partir de ce moment-là les textes. Donc il va commencer à traduire tout ce qui lui tombe sous la main. Assez vite, le roi de Piémont-Sardaigne lui demande, qu'il vient d'acquérir une collection énorme, au nez à la barbe du Louvre d'ailleurs, lui demande de la classer et tout ça, et donc finalement il va faire ce travail-là vraiment à partir de... Il va confirmer sa méthode. Hein. Et en 1826, il est quand même nommé premier conservateur, enfin premier directeur du département des antiquités égyptiennes qui vient d'être fondé au Louvre. Hein. Et donc là aussi, il va pouvoir véritablement, au fur et à mesure, accumuler ce matériel. Et puis enfin, 2 ans plus tard, il part pour l'Égypte. Et on organise donc une grande expédition qui va permettre de ramener effectivement pas mal de matériel qui sera au Louvre et qui va lui permettre surtout à lui de copier, de vérifier partout et son système marche. Donc il commence à... la lettre à Monsieur Dacier est très importante au niveau historique. Historique, oui. Elle marque véritablement un jalon. Mais l'œuvre la plus importante de Champollion, c'est sa grammaire égyptienne, mais qui sera publiée en fait de manière posthume. Il meurt en 32 et sera publiée à partir de 34. Et ça, c'est quelque chose, j'en sais quelque chose, quand j'étais petit et que j'ai commencé à m'intéresser aux hiéroglyphes, tout ce qu'il y avait dans la bibliothèque municipale de la petite ville où j'étais, c'était la grammaire de Champollion. Donc j'ai commencé à travailler avec la grammaire de Champollion. Bon, évidemment, très très vite, j'ai pu avoir des choses un petit peu plus récentes au point, mais j'en garde quand même, c'est quelque chose de magnifique, le travail qui est fait, même simplement la calligraphie des hiéroglyphes par Champollion, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est là que l'égyptologie est fondée. Hein. C'est ça qui fonde l'égyptologie, et non pas la lettre à Monsieur Dacier. Mais bon, il faut des symboles. Et il faut des symboles, et on a la pierre de Rosette, et on a la lettre à Monsieur Dacier. Et Claude Rilly, j'avais une question un peu plus personnelle à vous poser. Qu'est-ce qui fait qu'entre Champollion et vous, il y a une espèce de communauté d'esprit? Quel est le fil rouge entre vous deux? Et qu'est-ce qu'il y a chez vous de Champollion? Oula. Oui, bon, moi je travaille sur une langue non encore déchiffrée qui s'appelle le méroïtique, qui est la langue en fait des pharaons noirs, comme on dit, hein, c'est-à-dire des pharaons du Soudan et de leurs successeurs qui ont été rois et qui se sont proclamés d'ailleurs, qui continuent à se proclamer fils de Ré, enfantés par Amon, etc., jusque pratiquement la christianisation. Et malheureusement, ici, le problème est un petit peu différent, puisque nous avons des textes que nous savons lire, C'est-à-dire que l'écriture a été déchiffrée en 1911 par un Britannique qui a pas du tout récolté de la part de l'Angleterre les mêmes lauriers que la France a donné à Champollion, alors que c'était une opération extrêmement complexe aussi. Et le problème, c'est que la langue est mal connue. Alors ça, c'est une autre histoire. Parmi les langues anciennes, il y en a finalement beaucoup qui sont mal connues. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Je veux dire, le gaulois, ici, était parlé là où nous sommes il y a 2000 ans, et les inscriptions gauloises, un peu longues, échappent en grande partie à l'interprétation. Parce que déchiffrer une écriture, c'est plus facile, je dirais, que déchiffrer une langue. Déchiffrer une écriture, dans le pire des cas, on a quelques centaines de signes, bon, on peut en avoir plus, mais enfin, en général, avec quelques centaines de signes, on arrive à se débrouiller. Tandis qu'une langue, il faut connaître au minimum 2000 mots et leurs différentes déclinaisons ou conjugaisons pour arriver à comprendre. Donc, c'est plus complexe. Donc, voilà quel petit lien, si vous voulez. Mais en aucun cas, je pourrais comparer avec Champollion. Champollion, il a fait les deux, c'est-à-dire, il a déchiffré l'écriture et il a déchiffré la langue. Bon, mais c'est vrai, il disposait du copte, alors que le méroïtique, malheureusement, c'est une langue qui a disparu et pour laquelle on n'a que des langues apparentées de manière assez lointaine. Bénédicte Savoie, pour conclure, si on devait résumer l'importance symbolique qu'a eue la pierre de Rosette, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ? C'est compliqué. C'est pas un cadeau que je vous fais. Peut-être que je vais pas résumer, mais ce que je dirais peut-être, c'est que les collections égyptiennes qu'on a aujourd'hui dans les musées européens, à Paris, à Berlin, à Londres, quand on y pense, quand on ferme les yeux, on n'imagine pas que c'est surtout des inscriptions. Et c'est intéressant de voir que Champollion et ses successeurs dans ces musées-là, donc Champollion était le premier directeur du musée égyptien du Louvre, et Lepsius, le premier directeur du musée égyptien de Berlin, ils ont collectionné pratiquement que des inscriptions. Donc il y avait une autre vision d'Égypte pendant pratiquement 100 ans dans les musées, et c'est seulement plus tard que l'histoire de l'art égyptien entre dans les musées. Et ça me paraît très intéressant de rappeler cela, de rappeler qu'on avait d'abord en quelque sorte une Égypte littéraire avant d'avoir une Égypte artistique dans nos musées et dans nos représentations de l'Égypte. Ça me paraît intéressant. Et l'autre chose, qui n'est pas une conclusion non plus, mais sur la question des pharaons noirs, c'est la question de la couleur de la peau des Égyptiens a intéressé la période de Champollion dès les années 1800. Les frères Humboldt qu'on évoquait tout à l'heure, donc Guillaume, le linguiste, et Alexandre, le géographe, l'explorateur, s'intéressent et publient des choses sur la question de la couleur de la peau des Égyptiens, qui sont des sujets qui ont continué d'intéresser notamment les intellectuels africains jusqu'au moment de la décolonisation, avec l'idée que l'Afrique au sud du Sahara vient directement de l'Égypte. Et toutes ces questions sont encore ouvertes et sont encore extrêmement intéressantes. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé toute votre passion autour de ces questions tous les deux, Bénédicte Savoie, Claude Rilly. Merci. Et comme tous les jours, pardon, on se quitte en musique avec aujourd'hui un morceau de choix pour partir en week-end, Egyptian Reggae par Jonathan Richman et les Modern Lovers. Merci à toute l'équipe de Reka, Alexandra Delbo, Mariam Ibrahim, Tom Dunstock, Antonin Amberger, à la réalisation Milena Ellig, à la technique aujourd'hui Félix Delacour. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Eureka revient lundi à 16h pour une émission consacrée à l'invention du téléphone. Mardi, nous partirons à la découverte des microbes. Mercredi, il sera question de l'invention de la préhistoire. Jeudi, nous vous parlerons de l'invention du zéro. Et vendredi, nous vous raconterons la découverte de la Voie lactée. Mais d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir. l'esprit d'ouverture.